téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1944, les milliards du train Périgueux-Bordeaux. 26 juillet 1944, il est près de 19h lorsque dans une chaleur écrasante, 150 hommes armés investissent la petite gare de Neuvic-sur-l'Isle en Dordogne. À plat ventre le long de la voie ferrée, ils attendent fébrilement le Périgueux-Bordeaux. À 19h38 enfin, à peine le train est-il à quai, que les hommes bondissent, arraisonnent le convoi et s'emparent du chargement d'un des wagons. 150 sacs de toile estampillés Banque de France, que de bras en bras, ils vont charger à la hâte dans des camions avant de déguerpir dans un nuage de poussière. Quelle ne sera leur stupeur en découvrant le montant du butin, 2 milliards 280 millions de francs, le plus grand casse de l'histoire. Mais ces hommes en short et maillot de corps ne sont pas des braqueurs ordinaires. Ils appartiennent à la résistance. Alors que les Alliés ont débarqué en juin en Normandie, ces soldats et FFI entendent bien participer à la libération de leur pays. Mais pour combattre l'occupant allemand, le courage ne suffit pas. Il faut des armes et de la nourriture. Et les maquis en manquent cruellement. L'histoire de l'attaque de Neuvic nous rappelle combien la résistance fut un combat dur, ingrat, dangereux, avec aussi quelques moments de pur bonheur. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Fabrice Grenard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, donc spécialiste aussi des maquis. Alors, l'affaire du train de Neuvic est une histoire très connue en Dordogne, qu'on se raconte depuis plusieurs générations maintenant dans les familles. En quoi est-elle emblématique des combats de la Résistance sous l'occupation ? Alors, elle est emblématique de deux choses. D'abord parce qu'on a une action de guérilla, c'est-à-dire l'attaque d'un train, un petit peu comme dans un western, on pourrait dire. Et de fait, c'est surtout ce qu'a fait la résistance française. Les FFI n'avaient pas l'armement, le nombre suffisant pour affronter les Allemands en face à face. Donc ils ont surtout fait des actions de guérilla, sabotage, attaque de petites garnisons isolées, attaque de convois de transport. Et puis, elle est aussi significative de cette nécessité pour les résistants, de trouver leur propre moyen de survie. Puisque cette armée de l'ombre, cette armée clandestine, contrairement à une armée régulière, n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, donc il faut qu'elle se serve elle-même. D'où des réquisitions, des attaques de banques, des attaques de trains, pour permettre à la fois de payer en fait les résistants et aussi pour permettre de payer ce que l'on va prendre auprès des paysans, auprès des commerçants. Fabrice Grenard, l'attaque du train a donc lieu le 26 juillet 1944 dans un contexte très particulier. Les troupes alliées ont débarqué en Normandie le 6 juin et libèrent progressivement la France, mais l'ennemi allemand oppose une résistance farouche. Quel est l'état de la résistance intérieure en France à ce moment-là et quel rôle doit-elle jouer dans la libération du pays ? Alors effectivement, il se passe deux choses. Du côté de la résistance, le débarquement allié entraîne un climat insurrectionnel. On assiste même localement parfois à de petites levées en masse. On estime par exemple que le nombre de maquisards était de 30 à 40 000 avant le 6 juin. Il y en aura 10 fois plus quelques semaines plus tard. Et ces maquisards passent à l'action en multipliant les actions guérilla, en s'attaquant même parfois à de petites villes. Et du côté allemand, beaucoup s'attendaient à ce que l'armée allemande s'effondre en fait, dès lors que les Alliés auraient mis le pied sur le sol français. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe parce que les Allemands résistent. Il faudra attendre fin juillet pour que la percée d'Avranches permette aux Alliés de remporter la victoire décisive en Normandie et de progresser vers l'Est. Et donc, localement, ça se traduit par une répression et des représailles souvent sanglantes tout au long de l'été 1944. La région était marquée par les massacres perpétrés par la division d'Assreich à Oradour-sur-Glane et à Tulle et dans d'autres endroits. C'est donc une région où il y a beaucoup de combats. On connaît peut-être moins le maquis effectivement de Dordogne que quelques maquis célèbres comme le maquis d'Aiglières en Haute-Savoie ou le maquis du Vercors qui étaient des grands maquis mobilisateurs. En Dordogne, on a un phénomène un petit peu différent, comme dans tout le Limousin d'ailleurs, Corrèze, Haute-Vienne également. Ce sont des petits maquis avec des petits effectifs, mais aussi très mobiles, très actifs, dont certains passent à l'action très tôt d'ailleurs, avant même le débarquement. Et la Dordogne, il y a elle aussi ses villages martyrs, qui sont peut-être moins connus qu'Oradour-sur-Glane, mais le village de Rouffignac, par exemple, qui a été totalement détruit par les Allemands. Et donc, il y a aussi de plus en plus de maquisards, vous l'avez dit, Fabrice Grenard, après le 6 juin, il y a ce qu'on a un peu appelé les résistants de la dernière heure, et aussi, il y a eu l'apport du STO, le service du travail obligatoire, instauré en février 1943, qui a conduit beaucoup de jeunes à partir à ne pas y aller, ce sont appelés les réfractaires, mais certains de ces réfractaires ont rejoint les maquis. Ce qui fait qu'il y a une masse assez importante de gens à nourrir et à armer dans les maquis. Oui, alors on peut parler en fait de deux générations de maquis. La première génération, effectivement, date du printemps et de l'été 1943, dans le contexte du STO. Ce sont des jeunes Français qui ne veulent pas partir en Allemagne, donc ils vont, pour certains, se cacher dans des camps en milieu forestier et en milieu montagnard. Et puis la résistance va décider progressivement d'encadrer ces camps pour en faire des unités combattantes. Et puis la deuxième génération de maquis s'inscrit dans le contexte du 6 juin 1944, puisque là, on a des recrues de plus en plus nombreuses qui veulent se battre pour participer à la libération du pays. Et d'ailleurs, on a des gens parfois très jeunes ou plus âgés que les seules catégories qui étaient concernées par le STO. Merci Fabrice Grenard. Donc c'est dans ce contexte que débute notre histoire, le 18 juillet 1944. Fabrice Grenard, on se retrouve dans une trentaine de minutes, si vous le voulez bien, pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1944, les milliards du train Périgueux-Bordeaux, un texte de Hervé Bruno, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Et me voilà de nouveau à pédaler de toutes mes forces dans cette nuit sans étoiles. Je me suis senti tout bête tout à l'heure de gratter à la porte comme un adolescent. Pas étonnant que Jeannette ait souri devant ma canadienne usée et mes godillots craquelés. Ma dégaine de maquisard, c'est sûr, me change de ma blouse noire. Ça m'a fait du bien de retrouver la maison après 2 mois d'absence. Mais au maquis, il faut qu'on tienne. Avec le débarquement, la victoire approche. On sera bientôt de retour dans nos familles. Allez, plus qu'une question de jour pour chasser ces maudits boches. 18 juillet 1944. Jo est l'instituteur du village de Saint-Alvert, en Dordogne. Quand il est entré dans la résistance il y a quelques mois, sa femme Jeannette est restée seule dans leur maison avec Daniel, leur enfant en bas âge. Lors du D-Day, le 6 juin, 176 000 hommes ont débarqué en Normandie. En Dordogne, terre précoce de résistance, le débarquement a accentué les vocations clandestines. Dans sa compagnie, Jo a pour mission d'instruire les jeunes recrues qui affluent dans les bois pour fuir le STO, le service du travail obligatoire. Mais il n'y a plus assez de vivres, de vêtements, ni d'armes pour ces combattants inexpérimentés. Les camps de maquisards sont exsangues. Après une brève escapade chez lui, voilà Jo de retour à son maquis, la compagnie Valmy, dirigée par le lieutenant Gandouin. Jo, passe-moi le fusil qui est contre l'arbre. Regarde cette crasse. Il a besoin d'une sacrée révision. Tu t'en sors comment avec les recrues ? Il en vient tous les jours, chef. On dirait que les villages se vident. Et ils sont remontés comme des pendules. Normal, ce sont des gamins. Je suis obligé de les calmer pour qu'ils aillent pas se jeter dans la gueule des boches. Ouais. Faudrait pas qu'ils nous fassent repérer avec leurs conneries. Je vais les resserrer les boulons. J'arrive même plus à leur trouver des vêtements décents. Et je parle même pas des armes. Je sais, Jo. Je sais. Allez, on va y arriver comme ça. Je te parie que dans un mois, on aura libéré Périgueux. Et on continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule de ces sales gueules de nazis en France. On sent qu'est-ce que j'ai soif. Même à l'ombre, ça cogne. Un verre d'eau ? Ouais. Vous avez des nouvelles, des FFI ? On va être ravitaillés ? Martial est inquiet. Le trésorier régional n'envoie plus de pognon. Et les parachutages? Ça fait un moment qu'on n'y a pas eu droit. Pareil. Faut plus trop y compter. Ils ont mis le paquet sur le débarquement. On est bien loin de Londres, ici. Bien, chef. J'ai pigé le message. On se débrouille avec ce qu'on a, comme on a toujours fait. On mène donc les jeunes gars à apprendre à remonter des grenades? Dans la carrière? Ouais, ouais, ça les occupera. Ah, ce pétard, c'est mon préféré. C'est avec lui que j'ai canardé le Kübelwagen sur la route de Bergerac, tu te souviens? C'est vrai que ça cogne. Ça sent l'orage. Alors que la défaite allemande semble maintenant inéluctable, Jean Calard, 34 ans, préfet de Dordogne et nommé par Vichy, sent bien que le vent est en train de tourner. Il cherche à se faire pardonner quelques initiatives peu glorieuses prises alors qu'il était sous-préfet à Bergerac. En particulier l'arrestation en mars de Robert Maté, une légende de la Résistance, le premier en Périgord à avoir abattu un soldat allemand. À la demande du lieutenant-colonel Martial, le chef départemental des FFI, Jean Calard organise un rendez-vous secret avec lui dans une ferme inhabitée. Par le passé, le préfet a déjà aidé la Résistance, par exemple en détournant une partie des perceptions d'impôts. Mais aujourd'hui, la Résistance, en position de force, exige davantage. Nos effectifs, ils augmentent de jour en jour. Sans moyens supplémentaires, je vous assure, nous allons droit dans le mur. Vous ne dites rien, monsieur le préfet. Vous avez déjà l'argent des perceptions. Les forces alliées avancent, l'ennemi recule. Colonel, il n'y a plus qu'une poignée de jours à tenir. Vous ne comprenez pas. Nous sommes en train de nous mettre la population à dos. Depuis que la receveuse de Mialet a été abattue, les résistants passent pour des bandits de grand chemin. Sans compter les bons de réquisition. Les paysans n'en peuvent plus d'être saignés à vif. Que voulez-vous que je fasse? J'ai déjà pris de gros risques. Si le ravitaillement du maquis n'est plus assuré, les actes de brigandage que vous redoutez tant vont se multiplier. Il y a un risque, en effet. Je sais que vous avez comme moi le souci de l'ordre. Nous devons trouver une solution viable. Maintenant, on ne peut plus attendre. Quand vous aurez une guerre civile sur le dos, nos camarades se battent pied à pied pour soutenir l'avancée alliée, et nous ne pouvons rien faire. Je vous le dis tout net, monsieur le préfet, dès aujourd'hui, ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous. Vous me menacez, Martial? L'heure des inventaires approche. Je ne suis pas là pour remuer le passé, ni pour régler des comptes. L'ennemi recule, c'est vite dit. Si vous étiez chasseur, vous sauriez que les bêtes blessées sont les plus dangereuses. Asseyez-vous, colonel. Nous sommes capables, je pense, de prendre nos responsabilités, chacun de notre côté. J'ai peut-être une idée. Une cigarette? Ces besoins, alors, vous les estimez à combien, grosso modo? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une vraie goldiche. Nos effectifs ont quasiment doublé. Il faut aussi penser à nourrir les familles des combattants, à l'arrière. Bon. Je vais vous expliquer. Le 20 juillet, on l'a appris par la radio, Churchill a visité les ruines de Caen. Même au prix de gros sacrifices, les Alliés progressent. Dans le camp, c'est tout ce qui nous importe. La ville de Sarlat vient de tomber dans les mains de la Résistance. Des camarades nous parlent de femmes tondues et de croix gammées tatouées au goudron. On n'est pas tous d'accord, mais la volonté d'en finir est plus forte que tout. Comme le préfet Calard redoute des vengeances aveugles de résistants contre des civils, lui aussi veut hâter la fin de la guerre. Il confie à Martial une information confidentielle. La Banque de France de Périgueux, craignant une attaque des maquisards, serait sur le point de transférer une partie de ses fonds vers Bordeaux. Fort de cette nouvelle incroyable, Martial part rejoindre deux chefs de secteur du maquis, Raoul Christophe, dit Cricri, et François Lédier. Dans le camp de Durestal, le quartier général des FFI, Cricri et François sont assis sous un simple parachute noué à des branches de chêne. La pluie tambourine sur le parachute, il se réchauffe autour d'un brasero. File-moi un coup de main, François. Il pèse un âne mort, cette cantine. Fais gaffe, la pose pas sous la gouttière. Ouais, mais pas trop près du feu non plus. Il s'agirait pas qu'une braise soit dans les munitions. Je vais vérifier le lance-roquettes en priorité. Il supporte pas l'humidité. Moi, je vais sortir la tienne. Tiens, voilà Martial. Nom d'un chien, je suis trempé. Mais ça valait le coup. J'ai de bonnes nouvelles, les gars. Vaut mieux ça que le contraire. T'as l'air tout bizarre. Il va y avoir un parachutage de lingots ? Je crois pas si bien dire. Les coffres de la Banque de France, ça vous irait ? Tu veux qu'on fasse un casse ? Calard m'a filé un tuyau. Les Boches ont planqué le pognon de la Kriegsmarine à Périgueux. La Kriegsmarine ? Pourquoi à Périgueux ? L'état-major allemand à l'époque craignait des bombardements alliés sur Bordeaux. Et le directeur de la Banque de France veut maintenant le rapatrier à Bordeaux. Parce qu'il a la trouille des attaques du maquis. Il y a sans doute des millions là-dedans, les gars. Des millions ? La vache ! Sûr que ça fait envie. Et pour nous taper la Banque de France, il nous faudrait un Panzer. Attends. Le transfert va se faire par train. Les trains, on connaît un peu, non ? Calard doit nous prévenir dès que le chef de secteur de la banque aura décidé de la date et du trajet du transfert. Bon, faut commencer très vite à monter l'opération, les gars. On n'aura que quelques heures pour intervenir. Ouais, Calard, cette girouette. Mon vieux, t'as vraiment confiance en lui ? C'est quand même le préfet de Pétain, ton Calard. Mon Calard ? Mon sang cri-cri, on en a parlé 20 fois. T'as vu dans quel état est le camp ? On n'a même plus de fringues de rechange pour les jeunes qui dorment dans la boue. Tout le monde crève la dalle. Et il date de quand, le dernier parachutage d'armes, hein ? Si les cheveux nous attaquaient maintenant, on aurait l'air de Boy Scout. Te fatigue pas, chef, t'as raison. Vive les millions de Calard. À la libération, on comptera les points et on fera le ménage. Y'a pas de pommes de pain qui traînent pour le feu ? J'ai les pieds glacés. Moi, c'est une épaule d'agneau que je ferais bien retirer. Chier, il n'y a même plus de café, c'est vraiment la dèche. Au fait, ça risque d'être un vrai nez de boche ton train, chef. Faudra être vigilant, mais normalement, il n'y aura que des flics. Ils veulent que ça reste discret, pour pas nous alerter. Non, tu déconnes. On va leur en donner de la discrétion. C'est pas un avion, ça ? Allez, vite ! Vite, on éteint le feu ! On en reparlera demain. J'espère que cette saloperie d'averse sera calmée. Sinon la pluie va défoncer tout le chemin. Le camp est en effervescence depuis la visite du capitaine François, le responsable de notre secteur. Il nous a dit de rester sur le qui-vive. Une grosse attaque se prépare. Le moral des troupes remonte en flèche. Enfin ! Les copains étaient nerveux, l'ambiance au camp devenait de plus en plus lourde. Les nouvelles du front ne nous arrivent qu'au compte-gouttes. Ici, on aperçoit rarement l'ennemi, mais on le sent partout. François est arrivé à moto avec Roland, un cador du maquis. Ils nous préviendront au dernier moment. Enfin, de l'action. Jo, commence à réunir, les gars. Chargez les fusils et les grenades. Vérifiez aussi le niveau des camions. François t'en a dit un peu plus ? Pas vraiment. Apparemment, ce sera un train bourré de pognon. Ils savent pas encore eux-mêmes ni quand ni où, mais c'est pour bientôt. On sera prêts, chef. J'espère que ça va pas trop tarder, les gars sont comme des lions en cage, surtout les gamins. On pourra pas emmener tout le monde. Ça va être un gros morceau, Jo. Choisis les plus expérimentés. Et dis-leur qu'ils soient présentables. Valmine n'est pas une compagnie de train de savates. D'accord. On embarque les mines aussi ? Je sais pas encore. Vérifiez que tout fonctionne. Priorité au camion, François compte dessus. En attendant, fais-moi l'inventaire de ce qui nous reste à bouffer. On va pas à la gare le ventre vide. Le 25 juillet 1944, le directeur de la Banque de France prévient le préfet Calard que le fameux transfert de fonds aura lieu le lendemain. En gare de Périgueux, un wagon spécial sera attelé au train régulier pour Bordeaux. Calard envoie aussitôt deux jeunes émissaires, Monique Négrier et son frère Jean-Paul, qui se relaient à vélo en pleine nuit pour transmettre le message à Martial et aux autres officiers du camp des FFI. Ceux-ci se réunissent en urgence pour définir les conditions de l'attaque. Pour une fois que je dormais comme un poupon, je rêvais que j'avais tapé dans l'œil d'une danseuse des Folies Bergères. Tu parles d'un poupon ? François, approche la lanterne. C'est toi qui as la carte, Cricri ? Ouais. On se le fait où alors, ce train ? J'hésite encore. Dans une gare ou en pleine voie ? Plus simple dans une gare, à mon avis. Il serait déjà à l'arrêt. Oui, mais les cheminots peuvent prévenir les Boches. Je sais, la plupart sont avec nous, mais on ne peut pas prendre le risque. On met tout le monde sous contrôle en arrivant, ils n'auront pas le temps de dire ouf. D'accord pour la gare. Laquelle ? Saint-Astier ? Neuvik ? Lucidan ? Il y a une garnison allemande à Saint-Astier depuis le mois d'avril. Faut risquer. Exact. Je connais bien le coin. Regardez. C'est là qu'il faut se poster. En gare de Neuvik. À 25 km de Périgueux, loin du bourg et de la Nationale. On peut facilement couper les routes et voir venir depuis la colline. Idéal. Ouais. En plus, il y a moins d'un mois, les FTP ont saboté la voie ferrée un peu avant Neuvik. Il n'y a plus qu'un couloir utilisable. Ça ralentira le train jusqu'à la gare. Allez, ce sera Neuvik. On met toujours Roland en pointe pour faire quoi avec nous? Oui, comme on a dit. C'est un boulot pour son corps franc. Et en plus, c'est leur secteur. Tu as pu le contacter, François? Roland a tous ses hommes avec lui? Oui, pas de problème, ils attendent le signal. J'ai vu les gars de Valmy aussi. Roland et Gandouin ont un camion. Ça nous sera utile. Des millions, ça doit prendre de la place. Et des milliards encore plus. Hein? Tu déconnes? Sans doute plus de 2 milliards, les gars. Bon, on met dans le coup d'autres compagnies du coin pour tenir les routes. Cri-cri, envoie tout de suite des estafettes à vélo. D'accord? François, retourne voir Roland et Gandouin. Bien, chef, je file. Prends la traction. Dès que le jour sera levé, je ferai le point avec nos gars. Cri-cri, vois ce qu'on peut trouver comme autre bagnole, avec encore assez de jus pour rouler. Ça y est, cette fois c'est confirmé. François nous a donné le signal, gare de Neuvik ce soir à 19h. Les gars sont euphoriques. Le combat reprend enfin, ça nous évitera de gamberger. Depuis les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, nous craignons des représailles sur nos familles. L'approche du danger me fait frissonner d'impatience. J'ai dû écarter pas mal de gars de la section des jeunes pour cette opération. Je leur ai dit qu'on n'avait plus de place dans les bagnoles. En vérité, ils sont trop inexpérimentés. Pas question de les exposer. En gare de Périgueux, les 150 sacs de billets ont été répartis dans deux compartiments d'un wagon spécial. Les quatre inspecteurs de police qui les escortent sont accompagnés par le contrôleur principal de la Banque de France de Bordeaux. Dans les autres wagons, des voyageurs insouciants montent sans se douter de la cargaison singulière à bord du train. L'Eldorado roulant quitte Périgueux à 18h25. Il doit entrer en gare de Neuvik à 19h11. À 18h45, dans la cour de la gare de Neuvik, déboule le camion de la compagnie Valmy, puis la camionnette pick-up du corps franc Roland. Roland et François suivent à moto. Cri-cri a déjà posté des hommes autour de la gare. François l'aperçoit pendant que des voitures continuent d'envahir la cour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sortent d'où tous ces Pékins? Il y a tant de voyageurs que ça à Neuvik en été? J'ai repéré un local juste à côté. Je vais les enfermer là-dedans, ils ne risqueront rien. Occupe-toi du petit qui arrive. Il a une tête de chef de gare. Bonjour monsieur, capitaine François de l'état-major FFI. Nous réquisitionnons tout votre personnel. On nous a informé d'un transfert de fonds entre Périgueux et Bordeaux. Nous avons choisi votre gare pour intervenir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous direz à votre réceptionniste de continuer à diffuser ces informations comme si tout était normal. Les hommes de Valmy, sous la conduite de Jo et de Gandouin, se postent à plat ventre des deux côtés de la voie ferrée. Des combattants du corps franc Roland se dissimulent dans un petit jardin à l'endroit où la queue du convoi est censée s'arrêter. Mais le train Périgueux-Bordeaux est en retard. La chaleur est lourde, un orage gronde au loin. Les routes alentour sont bloquées par des compagnies de résistants. Mais cette situation ne peut pas durer indéfiniment. Le retard du train risque de compromettre l'opération. Les pierres du ballast sont bouillantes. Un copain m'a prêté sa flasque de gnôle. Son torboyau m'a démoli le bide. On a tous la trouille de se coltiner une escorte de boches armées jusqu'aux dents. Jeannette, Daniel, je pense à vous. Pas facile d'être un héros. Finalement, le rôle de père de famille n'est pas si monotone. 19h38, qu'est-ce qu'il fout ce train? Nom de Dieu. De la fumée entre les arbres. Le v'là. Mon capitaine, qu'est-ce que c'est que ce tortillard? Il n'y a que des voitures de voyageurs et rien derrière. Où sont les wagons de marchandises? Pas de panique, Gandouin. Nous allons vite savoir ce qui se passe. Pour l'instant, montez dans les voitures, vous assurez qu'il n'y a pas de boches. D'accord. On est bon. Yazil. Le chef du train, il vient de me dire que tout est dans le petit fourgon de tête, derrière la locomotive. François! François, ça y est, on les tient. Le petit wagon, là, juste après la loco. compris. On laisse Roland l'ouvrir. Faites gaffe aux balles perdues. Après, je ferai commencer les manœuvres pour guider le wagon jusqu'au quai de marchandises. Ouais, on fait comme ça. Moi, je vais dire au chef de gare d'envoyer un message bidon à la prochaine gare. Que le train aura un peu de retard, mais que tout est en ordre. Les policiers et le contrôleur de la Banque de France qui escortent les sacs de billets se rendent sans faire de difficultés. Aucun Allemand dans le train. Les maquisards respirent. Mais le temps presse. Le jeune réceptionniste apaise ses collègues de Mussidan, la prochaine gare, où l'on s'inquiète du retard du Périgueux-Bordeaux. Les camions de Roland et de Valmy reculent contre le quai des marchandises. Des chaînes humaines se forment. Dans les sacs, les liasses de billets sont si compactes que les maquisards ont l'impression de manipuler des lingots d'or. À 20h15, le chargement est terminé. Le train repart avec les voyageurs. Les deux camions démarrent, suivis de quelques voitures. Jo et Gandouin grimpent au sommet des sacs avec d'autres gars de Valmy. Sur les trottoirs de Neuvik, c'est la liesse. Regarde ça, chef, on dirait qu'on a gagné la guerre. Ouais, t'emballe pas trop, petit. J'aime pas beaucoup ça, moi. Faut qu'on décanille au plus vite. Le plus dur est fait, non? Une fois qu'on aura passé le carrefour de la Nationale, on sera tranquille. On sera tranquille quand on aura balancé tout ça dans les bois. Tu sais combien il peut y avoir là-dedans? François me l'a pas dit. Je sais juste que ce sont des billets, pas de l'or. Dis un peu les lettres qu'il y a sur les sacs. Des F? Et ouais, mon garçon. Banque de France. On vient de braquer la Banque de France. La Banque de France? Oh la vache. Gandouin a beau nous appeler à la prudence, perché sur cette montagne de billets, on est les rois du monde. Peu de risque de croiser des ennemis sur ces petites routes. Un petit coup de gnôle. L'alcool et la chaleur font zigzaguer mes pensées dans le ciel orageux. Quel bonheur! C'est pour des jours comme aujourd'hui qu'on s'est tous engagés. Grosse tuile à moins de 10 km de Neuvik. Sur le premier camion, une durite a cédé. Rien à faire. Il faut transborder tous les sacs sur le camion de Valmy. Plus de 4,5 tonnes sur le plateau, dont 3 tonnes de surcharge. Comment l'essieu va-t-il tenir? Seuls Jo et Gandouin sont restés perchés en haut des sacs de billets pour les stabiliser. La pluie commence à tomber furieusement. François a délaissé la moto de Roland pour se réfugier avec Cricri dans la cabine du camion. Merde, on n'y voit que dalle. On ne crée plus que les suites-glaces nous lâchent. Heureusement que les phares tiennent le coup. On a perdu un temps fou. Les Boches et les flics doivent déjà être au courant. Et si on va plus vite, on va tout foutre en l'air. Gandouin ne doit pas rigoler là-haut, sur les sacs. Ils sont deux, je crois. Il faudra penser à les relayer. T'arrives à voir où on est? On doit pas être loin de Berg. Attends, j'essaie de me repérer sur la carte. Je reconnais plus rien. Bon sang, j'espère que les billets vont pas être trempés. Au moins, c'est pas un temps à mettre un moche dehors. Ouais. Plus qu'à se dire ça. 21h. Dans son bureau de la préfecture à Périgueux, Jean Calard scrute le ciel nerveusement. Le téléphone sonne enfin. C'est le directeur de la Banque de France. Il annonce à Calard une terrible nouvelle. Après avoir raccroché d'une voix consternée, Calard se laisse tomber dans son fauteuil, enfin soulagé. L'opération a réussi. Il vient de se racheter une conduite aux yeux de l'histoire. La police, il en fait son affaire. Mais il va falloir être habile vis-à-vis des Allemands. Du côté de Vergue, le convoi des maquisards est malmené. L'orage redouble de violence, l'expédition devient dantesque. Enfin apparaît le chemin boueux qui grimpe vers l'état-major des FFI à Durestal. Le camion rescapé n'en finit plus de déraper, puis de patiner, impuissant. François et Cricri sautent de la cabine. Le moteur commence à fumer. François doit prendre une décision. Écoutez-moi tous. Chacun va prendre un sac sur les épaules. On fait des allers-retours dans le chemin pour transporter le pognon jusqu'au camp. Et en silence. On n'est pas encore tiré l'affaire. Et courage les gars, c'est bientôt fini. Il y a bien deux bornes à faire, mon capitaine. On pourrait peut-être... C'est un ordre, lieutenant. Je sais que vous en avez pris plein la gueule là-haut, mais vous attendrez un peu pour vous reposer. Allez, c'est parti. Deux gars en haut du camion et vous me balancez tous les sacs par terre. Bien, mon lieutenant. Je retourne. Comme si j'avais l'intention de me reposer. Aide-moi, Joe, je remonte. Je te rejoins, chef. Roland, laisse-moi la moto. Je vais prévenir les gars du camp. L'euphorie n'a pas duré. Je suis rincé jusqu'au caleçon. Je peux plus les voir, ces sacs. Les mains me brûlent à force de les porter. Et mon dos. Les héros sont fatigués. Heureusement que les gars du Restal sont venus nous aider. Avec un peu de chance, un seul voyage suffira. J'en peux plus. Je voudrais m'écrouler au milieu des fougères. Tenir bon, surtout ne pas flancher devant les autres. Enfin, une lumière là-bas. La fin du calvaire. Prosper Rizza, le trésorier de l'opération, a les yeux qui brillent en comptant les sacs pour la troisième fois. 2 milliards 280 millions de francs exactement, en coupures de divers montants. Les combattants restés au camp sont fascinés. Mais les maquisards qui ont fait le coup, épuisés, préféreraient qu'on s'occupe d'abord d'eux. La reconnaissance tarde à venir. La pluie a cessé, ils sont tous en sous-vêtements et tentent de faire sécher leurs habits. Martial vient de rentrer d'une autre mission, il n'a pas participé directement au casse. C'est quoi cette tenue? Et il appartient à qui le camion qui bloque le chemin? Dites, mon colonel, vous feriez pas mieux nous nourrir au lieu de nous engueuler? Pardon? Qui êtes-vous? Joseph Valad, de la compagnie Valmy, qui vient de vous ramener des milliards sur son dos et qui aimerait bien casser une petite graine avec ses camarades. Oui, je crois que vous l'avez bien mérité. Rizza, trouvez-leur tout de suite de quoi manger et boire. C'était un véritable enfer après Novik, mon colonel. Le camion de Roland est tombé en rade. Celui qui est en travers du chemin, c'est celui de Valmy. On vient de se taper tous les sacs à la main, on est tous épuisés. Oui, je vois ça. Maintenant, il faut s'attendre à une réaction des Boches. Ils ne vont pas laisser passer une telle humiliation. En attendant, réchauffez-vous un peu. Félicitations, messieurs. Vous avez fait du bon boulot. Enfin, un compliment. Nous ne demandions pas grand-chose de plus. Sauf un bon repas, peut-être. Justement, il arrive. Hein? Des sardines à l'huile? Et quasiment pas de pain? Mais il se fout de nous! Rizza nous explique, c'est le plat principal du maquis depuis quelque temps. Les gars de Durestal ont braqué un train de marchandises qui était rempli de sardines à l'huile. Merci pour les vedettes du jour. Heureusement, on a quelques canons de rouge. Les sourires reviennent, les fanfaronnades aussi. Mais je n'ai plus qu'une hâte, comme tous mes compagnons, retrouver ma paillasse sous ma hutte. Seul le sommeil nous fera oublier l'ingratitude de l'état-major FFI. Martial avait raison, les Allemands s'agitent. Michel Hambrecht est le chef de l'antenne périgourdine du service de renseignement de la Waffen-SS que la population assimile à la Gestapo. Peu après l'attaque du train, il a simplement été informé de la présence d'une bande de terroristes à Neuvik. Trop tard donc. Le jour n'est pas levé quand il décroche son téléphone pour appeler le directeur de la Banque de France de Périgueux. Dites-moi, on vient de me confirmer que des terroristes ont attaqué en gare de Neuvik un train rempli d'argent appartenant à l'armée allemande. Et il a fallu que j'attende le rapport de mes informateurs pour apprendre l'existence de ce train. Aïe, vous savez ce que peuvent vous coûter de telles... Comment dites-vous déjà? De telles cachotteries, monsieur le directeur? Je vous attends séance tenante dans mon bureau. L'aube du 27 juillet 1944 éclaire à peine les eaux du ruisseau du Salambre, près de Neuvik-sur-l'Île. Les habitants des hameaux découvrent avec stupeur une impressionnante colonne de camions allemands. Des mouchards les ont prévenus que des résistants du coin avaient participé à l'embuscade de la gare. Après avoir assailli le lieu-dit de la Martinière, les Allemands croisent le chemin d'un groupe de résistants FTP venus défendre leurs collègues. Le combat, sous le commandement de Michel Hambrecht, est inégal et tourne au carnage. Le lendemain, Hambrecht, de retour à Périgueux, se fait un plaisir d'annoncer lui-même le bilan des représailles au préfet Callard. Je me doute que vous n'ignoriez rien, monsieur le préfet. Quoi, l'attaque de Neuvik, monsieur l'Untersturmführer? Je n'ai été prévenu que hier matin. J'ai essayé de... Mein Gott, quel est donc ce pays, monsieur, où les préfets ne sont pas au courant des trains qui transportent des milliards? Mais j'ai de bonnes nouvelles, monsieur le préfet. Vous allez les apprécier, vous qui détestez la confusion autant que moi. Je préfère vous les donner moi-même, puisque votre police ne semble pas très rapide. Je vous assure, la police française fait son travail, monsieur l'Untersturmführer. Vous disposez de nouvelles informations? Ah bah, ja doch. Pour sûr, Herr Kalar, je dispose de nouvelles informations. Nous avons abattu hier 33 terroristes dans la commune de Saint-Germain-du-Salambre. Nos troupes ont bien concédé quelques pertes, mais rien de comparable, soyez rassurés. Je ne doute pas maintenant que vous mettrez en œuvre tous les moyens pour retrouver cet argent. 33 terroristes. Ce sera fait, monsieur l'Untersturmführer. Vous pouvez compter sur moi. So. Comment vous dites en France ? À la bonne heure ? J'ai toute confiance en votre volonté, monsieur le préfet. Sachez cependant que mes hommes sont déjà sur la piste des terroristes de Neuvik. Pas de repos pour les soldats allemands. Ah, ja. J'oubliais. J'exige un rapport sur mon bureau avant ce soir. Quand nous aurons récupéré l'argent, j'aviserai des suites à donner à cette affaire. Nous nous comprenons, n'est-ce pas, monsieur le préfet ? Madame, je vous souhaite une bonne journée. Les bois de Durestal sont très vite le théâtre d'un étrange ballet. Des responsables de la résistance affluent pour récupérer une partie de l'inépuisable butin. Maxime Roux, le préfet du Maquis, inquiet d'avoir à veiller sur ce trésor de guerre, décide de le morceler et de le placer chez des personnes de confiance. Dès lors, il sera plus tard difficile pour les historiens d'en suivre méticuleusement la trace. Même si des enquêtes comptables seront commanditées, dont une en 1946 sur ordre du gouvernement provisoire, la porte restera ouverte à toutes les suspicions. Même si une très grande partie des fonds sera reversée au trésor, rien n'y fera. Des polémiques et des ragots sur la perte de sacs de billets persisteront. Après-guerre, en Périgord, pas un villageois ne verra prospérer un administré sans froncer le sourcil. Mais fin juillet 1944, pour Joe, l'heure de la libération reste encore incertaine. L'annonce du massacre de Saint-Germain nous a tous secoués. Gandoin nous a laissé repartir une journée chez nous. Je n'aspire plus qu'à retrouver définitivement Jeannette et Daniel. Jeannette n'arrête pas de se remémorer les lance-flammes de la colonne de blindés qui a incendié Saint-Albert au mois de juin. Elle en a perdu le sommeil. Au camp de la Taillandière, nous sommes nombreux à ne plus vouloir entendre parler du braquage de Neuvik. Des gens colportent déjà qu'on s'en est mis plein les poches, abjects. Et tous ces morts en représailles. Trop d'images à effacer. La libération approche. Nous allons bientôt réapprendre à vivre. « 1944, les milliards du train Périgueux-Bordeaux » de Hervé Bruneau, avec Joe Thomas Pouget, le lieutenant-colonel André Gaucher dit Martial Antoine Sastre, Raoul Christophe dit Cricri Damien Gouy, François Lédier dit François Pierre Carbonnier, le lieutenant Gandoin Florent Houlier, Michel Ambrecht Pierre-Marie Schneider, le préfet Jean Calard Barthélémy Meridgen. Brutage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Julien Douminc et Émilie Couette, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Ossire. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur l'attaque du train de Neuvik en 1944 avec mon invité Fabrice Grenard. Your mind, yeah, to get free tonight. Tell all of your friends to come over and get free tonight. Keep your hands in time, get free tonight. Yeah. Now Fantastique Negrito qui chante Chocolate Samurai sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Fanny Cohen-Moreau, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florent Layani. Fabrice Grenard, nous venons de partager la vie de quelques résistants dans les maquis d'Ordogne, quelques jours en juillet 1944. Alors, l'histoire de la prise du train à Neuvik a des côtés, hein, on peut pas l'ignorer, un peu comique. Ces résistants sont des héros, ils se battent pour la France et parfois meurent pour elle, mais là, il y a un côté un peu pied nickelé. Ils tombent en panne avec leur camion, ils traballent des sacs dans la boue et après s'être emparés de plus de 2 milliards de francs, ils se retrouvent à manger des sardines. Est-ce que la résistance était un peu tout ça, Fabrice Grenard? Du courage, de l'héroïsme, une organisation militaire et puis aussi beaucoup d'improvisation, de système D. Bien sûr, le quotidien des maquisards est un quotidien fait de système D, puisque ce sont des gens qui vivent à l'écart des communautés, à l'écart des habitations, qui vivent dans un milieu en général hostile, la forêt, la montagne, et il faut bien le dire, qui manquent de tout. Qui manque d'armes, qui manque d'équipement, qui manque de ravitaillement. Alors la situation s'améliore un petit peu juste avant le débarquement allié, parce que les alliés augmentent les parachutages à destination des maquis, mais au regard de la mobilisation qui se passe localement, hein, du nombre de recrues qui augmente, la pénurie reste très présente et on continuera à manquer de tout jusqu'au dernier combat. Cette histoire nous révèle une réalité dont on parle peu, la réalité économique de la résistance. Hein, ces maquisards qui ont faim, qui vivent comme ça dans la nature, comme vous venez de le dire. Mais comment en arrive-t-on au point que des résistants commettent un hold-up pour pouvoir survivre et assurer le combat? Ça semble ahurissant. Il y en a eu d'autres, des hold-up patriotiques, comme on les a appelés? Bien sûr, on a qualifié d'ailleurs l'été 1944 de l'été des hold-up. En fait, dès l'apparition des premiers maquis dans les territoires où ces maquis se développent, on constate, si on lit les rapports de gendarmerie, les rapports de police de l'époque, une augmentation très nette du nombre de cambriolages. Mais dans un premier temps, les résistants ne cambriolent que les petits commerces des villages isolés, où se livrent à quelques réquisitions auprès des populations locales. Ils essaient aussi de s'attaquer aux institutions vichistes, les chantiers de jeunesse par exemple. Mm-hmm. À partir du moment où la résistance monte en puissance au cours de l'été 1944, elle a plus de moyens, elle peut intervenir dans des petites villes, des petites sous-préfectures, elle peut donc changer un petit peu de cible. Et on considère par exemple que 4000 bureaux de poste ont été attaqués au cours de la période par les résistants. Et ces résistants s'en prennent aussi aux succursales de la Banque de France. C'est pour ça d'ailleurs que le directeur de la succursale de Périgueux, en fait, avait peur. Il s'attendait à un hold-up de sa banque. Et c'est pour ça qu'il a accepté l'opération de transfert des 2 milliards vers Périgueux, parce qu'il préférait... Bien mal lui en a pris. Oui, mais en même temps, il préférait que cette somme soit volée en dehors de ses locaux et sur un terrain qui ne fasse pas de victimes. Et puis on a entendu le préfet Callard qui cherche à se donner une image plus résistante et donc il donne des informations. Donc il y a une forme de tolérance peut-être à l'égard de ces hold-up pendant cette période. Disons qu'il y a un état de fait, le pouvoir est en train de changer de camp. Quelques préfets d'ailleurs, comme le préfet Callard, le sentent très bien. C'est difficile d'être préfet sous l'occupation parce que vous êtes en fait au service des Allemands. Les préfets doivent collaborer, hein, c'est la convention d'armistice elle-même qui le dit. Et donc, en tant que préfet, il a forcément été impliqué dans des opérations de répression contre la résistance. Et là, comme le vent tourne, comme le pouvoir est en train de changer de camp, effectivement, il cherche à préserver l'avenir en jouant une sorte de double jeu. Est-ce que De Gaulle est au courant de ces hold-up ? Est-ce qu'il les cautionne ? Alors, bien sûr, De Gaulle est au courant. Je dirais même qu'il les encourage presque, puisque les services de Londres et d'Alger, hein, au sein de la France libre, envoient de l'argent à la résistance, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent à leur envoyer par rapport aux besoins. D'ailleurs, ce sera toujours une source de tension entre les résistants de l'intérieur et les résistants de l'extérieur. L'argent est véritablement le nerf de la guerre. Alors, on encourage ces hold-up en disant que, eh bien, on les remboursera une fois que la guerre sera terminée. Mais de fait, tout l'argent qui a été pris dans ce contexte de l'occupation ne rentrera pas forcément dans les caisses une fois la guerre terminée. À la fin du hold-up, d'ailleurs, de Neuvik, le lieutenant Cricri a signé à l'agent du train un bon de réquisition. A signé un bon de réquisition, bon numéro 306, nature de l'objet requis, coupure en 150 sacs. Donc le montant de ce butin est faramineux, hein, il est particulièrement faramineux, 2,280 milliards de francs, et donc vous l'avez dit, on s'est beaucoup demandé après coup ce qu'est devenu cet argent. Avant d'en parler, Fabrice Grenard, je vous propose d'écouter le témoignage de deux résistants qui ont pris part à l'attaque du train, Jean Boussary et Jean Faucoulanche. Et le lendemain, on a eu un rapport au drapeau. Et le lieutenant Gandouin nous a dit qu'il n'y aurait pas de prime, qu'on ne toucherait rien, que nous étions des soldats et qu'on n'était pas venus pour gagner de l'argent. Est-ce que tu t'en rappelles ? Ouais. Il a dit qu'il n'y aura pas de prime, nous sommes des soldats, nous sommes pour servir la France, il n'y aura pas d'argent. Et il n'y en a pas eu. On l'avait murmuré, puis on y croyait un peu, puis... Bien sûr, on l'aurait touché, si nous en avait donné. Ouais. Et alors quand même, il y a une histoire cocasse quand même. Après la remise des sacs, on a eu droit à une petite sauterie. C'est-à-dire, on nous a invités à manger un petit bout de pain. Mmh. On nous a amenés sous une tente où il y avait un gros tas de boîtes de sardines. Alors ce gros tas de boîtes de sardines, on n'a pas touché au billet, mais on avait récupéré quelques boîtes parce qu'on ne mangeait pas notre aise au camp. Alors on avait récupéré quelques boîtes. Il y avait un gros tas de boîtes de sardines, on était deux fois gros comme ce buffet-là. Et il est arrivé un chef qui nous a dit « Vous êtes des pillards. Si on vous trouve avec une boîte de sardines, on vous fusille. » Jean Boussary et Jean Faucoulanche, interviewés en 2006 par Olivier Chomel pour France Culture. Ces témoignages, Fabrice Grenard, sont assez touchants. Hein. Ils auraient bien aimé recevoir quelques billets, hein, ils le reconnaissent, mais non, ils ne sont pas enrichis. Et la seule récompense qu'ils ont reçue, c'est une sauterie avec des sardines à l'huile. Et encore, le commandant les a accusés de pillage. Ce témoignage est très important parce qu'il nous renseigne en fait sur la discipline qui régnait au sein de la résistance. Et il faut faire attention parce que nous-mêmes, d'ailleurs, là, on est en train de parler de hold-up, de vol, etc. Oui. Mais dans l'esprit de la résistance, c'est pas un hold-up. Bien c'est sûr. Une forme de réquisition d'une somme d'argent qui, en plus, il faut bien le dire, risquait de servir les Allemands. Puisque dans le cadre des frais de la collaboration, le gouvernement de Vichy payait chaque jour des indemnités d'occupation aux Allemands. Oui, donc pour sûr. La résistance, cet argent, il doit servir à mener la lutte, à mener le combat. Il n'est pas du tout question que les hommes en profitent. Il va d'ailleurs être en grande partie réparti au sein des différentes organisations, hein, pour pas non plus qu'une organisation particulière puisse en profiter. Et on voit bien que ceux qui penserait pouvoir se servir du contexte pour se livrer à titre individuel, eh bien, à des petits détournements, à des vols, etc., seront considérés par les résistants comme des pillards, des voleurs, mmh. et risquent le peloton d'exécution. Donc, à quoi cet argent a-t-il servi ? Acheter des armes, de la nourriture, des vêtements pour la résistance ? Tout à fait. Donc, cet argent sert de façon collective. Il ne servira d'ailleurs pas qu'au seul FFI de la Dordogne, mais à l'ensemble des FFI de la région 5, donc c'est toute la région de Limoges, vous voyez, qui concerne plusieurs départements. Et avec cet argent, on pourra verser les soldes des FFI, puisque les FFI se considérant comme une véritable armée, l'idée c'était aussi de pouvoir payer les combattants de 20 francs par jour à peu près. Et puis, cet argent servira à payer des équipements, du ravitaillement auprès des commerçants, auprès des paysans, pour pas donner le sentiment justement que la résistance vole, réquisitionne de façon autoritaire et dictatoriale. Et puis, bien sûr, il y a quand même une petite partie qui disparaîtra, puisque on estime que à peu près la moitié seulement de cet argent a effectivement servi dans le contexte de la libération. Et là, évidemment, tous les contextes les plus fous se développeront sur à qui a bien pu servir cet argent. Oui, on a beaucoup fantasmé après la guerre. On a même accusé des résistants de s'être secrètement enrichis. Entre autres, Georges Guingouin, qui était le chef de la résistance du Limousin. Vous avez beaucoup travaillé sur ce personnage, cette grande figure Georges Guingouin, de la résistance. Le préfet du Maquis, qui lui était chef du Maquis de Haute-Vienne, donc un département un peu plus au nord de la Dordogne. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la résistance était un combat qui se voulait moral, bien sûr, patriotique et désintéressé. On parlait très peu de questions d'argent au sein de la résistance, et les résistants acceptaient les sacrifices les plus grands, comme le montrent d'ailleurs les témoignages de ce documentaire. Tous ceux qui, déjà pendant la résistance, voulaient la discréditer, je pense au gouvernement de Vichy, au responsable de la propagande vichiste, le secrétaire d'État Philippe Henriot, accusaient déjà les résistants d'être des bandits, des voleurs, etc., pour essayer de ternir leur action. Et ce genre de critique va se maintenir après la guerre. Dans certains milieux, il y a une forme de nostalgie à l'égard du régime de Vichy. On va ressortir ces affaires de vol, de hold-up, en disant, vous voyez, les résistants, en fait, ils ont résisté pour s'enrichir. Et Georges Guingouin sera accusé, dès 1945, par un journal de droite, l'Époque, d'avoir détourné une partie du trésor de Neuvik pour s'acheter des villas, de somptueuses maisons. C'est du pur fantasme, parce que Georges Guingouin était quelqu'un qui a toujours eu un mode de vie très modeste, qui s'est contenté du minimum et qui n'a jamais, bien sûr, touché aucun des billets du trésor de Neuvik. Donc après la guerre, Fabrice Grenard, la plupart des résistants vont reprendre leur vie d'avant sans avoir été particulièrement honorés. Ça a été un combat essentiellement pour l'honneur. Disons qu'ils pourront avoir des honneurs symboliques, Légion d'honneur, médaille de la résistance. Certains, comme Georges Guingouin, seront même faits compagnons de la libération par le général de Gaulle. Mais il faut bien dire que la résistance n'a pas été l'occasion de s'enrichir pour les hommes qui ont fait le choix de cet engagement au cours de la période. Au contraire, beaucoup ont plus perdu que gagné dans le combat de la résistance, parce que certains maquisards, par exemple, expliquent que, ayant fait le choix du maquis alors qu'ils avaient 20 ans, ayant vécu dans la clandestinité pendant un an et demi, ils n'ont pas pu, par exemple, terminer leurs études, ou ils n'ont pas pu acquérir l'expérience professionnelle de ceux qui sont restés bien sagement chez eux et qui, du coup, trouveront en général plus facilement un travail une fois la guerre terminée. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont participé à la résistance sont morts aussi, les armes à la main ou dans les camps de déportation. Merci beaucoup Fabrice Grenard, vous êtes l'auteur notamment de Les Maquisards, combattre dans la France occupée, et également une légende du maquis, Georges Guingouin, tous deux publiés aux éditions Vendémiaire. À lire également La lutte clandestine en France, une histoire de la résistance, de Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Laurent Douzou, aux éditions du Seuil, et De l'or et des sardines, un roman d'Hervé Bruneau, qui est aussi l'auteur de la fiction. Ce livre est publié aux éditions du Rouergue. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site franceinter.fr. J'attends bien sûr vos remarques avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons sur les mers au XVIIIe siècle en compagnie d'une jeune fille, Louison, la maîtresse du navigateur Yves de Kerguelen. Elle prend part clandestinement à l'expédition un peu folle qu'il dirige en 1773 pour découvrir un fabuleux continent austral. 1773, Louison, la chimère de Monsieur de Kerguelen, c'est dimanche prochain dans Autant d'opportunités. L'histoire.